Je me lève, je fais une grosse batte, on fait un gros bœuf. Pour de bon, je passe au peu, le sang sur PP. Et je cramoute en DP, à l'affût, ils sont, je leur fais de l'effet sans avoir le féfé. Je pourrais rouler avec les rêches qu'à Philadelphie. Puis tout à l'heure, tu me filmes en traître, on va pas faire le selfie. Je suis sous le carton de mon frère comme Thomas Shelby. Ça se tue entre potes pour l'argent, c'est quoi cette vie? Malheur, la rue et ses saveurs. Tout a bien changé, fais gaffe avec qui tu fais des affaires. Tu veux qu'on te comprenne, mais tu fais pas d'efforts. On est bien, mais Dieu merci, nous on fait pas les stars. Tu fais des poussettes pour être en lumière, tu te crois fort. Parce que eux, pour te faire, gros, ils mettront pas les phares. Je suis bouillant comme Eminem, je rappe, je suis criminel. À coup de middle, original, c'est de l'original. T'as changé, je l'ai vu dans ta prunelle. À 200 dans le tunnel, je sais que tu m'aimes, je sais que tu me veux du mal et je sais que tu prends des ailes. Je sais que je suis pas parfait, oufi. Je sais que j'ai morflé, c'est la vie, oufi. Anti-groupie, popopopa, popopopa, poupoupoupou. J'oublie tout, tout, je fais plus coucou. Popopopa, popopopa, poupoupoupou. J'oublie tout, tout, je fais plus coucou. Popopopa. Je deviens un peu compliqué. Putain, ça m'a niqué mon briquet. Je te zappe, si tu vas te m'niquer. De toute façon, moi je suis bon qu'à tiquer. Je prends des coups, je mets la garde comme un boxeur. Du coup, je nique tout, je le soigne comme un docteur. Je suis paro à l'affût comme un transporteur. Je suis fidèle à la mort comme un supporter. Gros, gros de secret n'est acquis. Je suis tellement cramé, je peux pas me poser dans le maquis. Que home snipe quand je suis en bandit dans ma canne. Qu'est-ce que tu m'emboucanes, gros? Qu'est-ce que tu m'aganes? Pas en bolide avec des balances. J'vois les képis, j'fais la détalance. J'représente les quartiers de Marseille, ouais, jusqu'à Valence. Dans le foot, dans le rap, toi-même tu sais, y'a du talent. Donnez-leur la lumière, ça va tout rafler comme une avalanche. J'sais pas mon apparence, j'suis au studio dans mode machine. Y'a que Kaku et mon frère qui suivent la cadence. Anti-PDH, anti-bouffe, clé, oui. Là, j'suis au studio, les ouais, après j'vais manger un baklawa. Les petits, ils ont des armes de Baptiste là-bas. Fais gaffe, la tube, ouais, ouais, t'en vas vite là-bas. Marseille, c'est call off, que ça en veut à l'autre. Pour la ville à la mort, ça trafique, ça rentre, ça ressort, ça rentre. C'est pas pour rien que ça s'arrose. Viens voir, c'est pas rose. C'est la misère, c'est pas riche. Pour la frappe, ça t'arrange. Et la tête, ça t'arrache. Si tu veux faire des barrages, sache que je te souhaite encore plus si tu fais du débit. Que je te respecte encore plus si ça t'a fait du mal. Et que t'es toujours debout. La rue, c'est chaud, fais gaffe à qui tu fais tes deux bises. Cognon. Respecte les gens, c'est la devise. Et au fait, c'est pas ma faute si dans mes sons tu te sens visé. Visé, visé, visé. Je tiens la route comme le RS6 break. Pendant que les gens y rêvent de la vie de Drek. Le succès du rap, je te jure, moi qui me traque. Tu peux me croiser sur un deux roues en Y. Grand Biwa.